Si vous voulez dire acheter, hein, acheter quelque chose, il s'agit d'un ordre. Eh bien, dès qu'il s'agit d'un ordre, il vous faut intervertir les deux sons clés du présent. Au présent, après la syllabe accentuée, on a en effet deux sons clés. Un A si c'est un verbe un AR ou un E si c'est un verbe un ER ou IR. Donc, A et E sont les deux sons clés du présent qui suivent la syllabe accentuée, hein, l'avant-dernière syllabe. Si vous intervertissez ces deux sons clés, donc, si vous passez de A à E et de E à A, vous obtenez l'impératif qui sert à donner des ordres. Alors, comment dira-t-on vous, hein, usted, vous n'achetez rien ou il n'achète rien? No compra nada. No compra nada. Hein, no compra nada. D'accord. No compra nada. Et maintenant, si vous voulez dire acheter quelque chose. Compre algo. Compre algo. Compre. Oui, c'est ça. Hein? En intervertissant les deux sons clés du présent, vous obtenez un ordre. Compre. Ne l'achetez pas. Vous vous adressez toujours à usted. Ne l'achetez pas. Ça se dira? No lo compre. No lo compre. Et si vous tutoyez votre interlocuteur, ne l'achète pas. No lo compres. No lo compres. Et si vous dites la même chose à plusieurs personnes que vous vous voyez, à ustedes, ne l'achetez pas. No lo compren. D'accord, no lo compren. Mais si c'est un ordre affirmatif que vous donnez, alors le ou la ou les hein, ou tout autre pronom est accolé à la fin du verbe, comme en français d'ailleurs, hein, où l'on ne dira pas le acheter, mais acheter le, hein, avec un tiret au milieu. Eh bien, en espagnol, c'est la même chose, hein, à la seule différence qu'en espagnol, ça s'écrit tout attaché. Hein. Le verbe et le pronom ne forment plus qu'un seul mot. Donc, si vous dites à usted acheter le, ça sera comprelo. Comprelo. Hein, achetez-le. C'est ça, hein, avec le pronom lo accolé à la fin de l'ordre compre. Mais attention, tout comme en français, ça c'est valable uniquement si l'ordre est donné à la forme affirmative. Hein. Ce n'est donc pas le cas pour un ordre négatif, un ordre qui commence par ne. Donc, si vous voulez dire ne l'achetez pas, là encore, l'ordre des mots est le même qu'en français. Et donc, ça sera ne le compre. No lo compre. No lo compre. No lo compre. Hein? Et si vous dites à ustedes achetez-le, ça donnera comprenlo. Comprenlo. Hein? Et ne l'achetez pas. Hein? Là encore, vous vous adressez à ustedes. No lo compren. Oui. Est-ce que vous pouvez le répéter? No lo compren. D'accord. No lo compren. Et ne l'achète pas? No lo compres. Non. Non. Je n'aurais pas dû accentuer la dernière syllabe. Réessayez alors. No lo compres. D'accord. No lo compres. Alors, c'est curieux. Pour donner un ordre affirmatif à quelqu'un qu'on tutoie, on n'intervertit pas les sons clés A et E, et il n'y a pas non plus de S final. Donc, si vous voulez dire achète-le, ça sera Compralo. Compralo, exactement.